J'suis sur moula, c'est la folie, chaussette claquette. Réserve des sens, j'rentre en roue libre. Baisse les mains, fais pas chauffer. Y'a tout le monde qui regarde, j'vais m'énerver, j'vais te choquer. J'pourrais rester, j'vais mettre en bébé. La street, la street, oui, sous Fifi. La street, casquette Lulu. La street, la street, à la Fifi. La street, la street, j'vais mettre en bébé. La street, oui, sous Fifi. La street, casquette Lulu. La street, à la Fifi. La street, la street. Street, la street, à la Fufu. La street, la street.